les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Peu de villes au monde incarnent autant que Mexico l'imaginaire des ruines. Tout ramène aux vieilles pierres dans cette mégalopole bâtie sur les vestiges de la grande Tenochtitlan, la capitale de l'Empire aztèque. Ici, un coup de pelleteuse peut mettre à jour un temple, une trace d'un autre monde. C'est comme cela, pendant des travaux d'entretien du métro, que fut découvert le Templo Mayor, l'édifice religieux le plus important de la civilisation préhispanique. La mégalopole compte aussi avec les ruines colossales de Teotihuacan, la plus influente des anciennes civilisations mésoaméricaines. Mais c'est aussi une crainte des ruines que raconte l'émission que vous allez entendre. Mexico est en zone sismique, une grande partie de la ville se sait en péril d'effondrement. En route donc pour Mexico, dans cette émission de 1998, Les Nuits Magnétiques par Colette Fellouze. Nuit magnétique, bonsoir. Là, on est vraiment dans le vieux Mexico. C'est dans le centre historique. On est juste à côté de la cathédrale qui a été construite avec les pierres du temple aztèque, du temple de l'empereur Moctezuma. Et là, on va rentrer dans le Bar León, qui est un haut lieu de la salsa à Mexico. L'un des lieux préférés de Georges Lavaudant. C'est au Bar León qu'on vient passer la nuit quand on est à Mexico. La musique ici est saturée, il y a très peu de lumière, le plafond est très bas, il n'y a presque rien de beau, mais pourtant la vie est là, avec ses tables en fer tout près des musiciens. Ces tables où se jouent et se perdent les plus grandes histoires d'amour. Un homme attend, la femme arrive, mais elle est très en retard. Ils vont danser sur le bout de piste là-bas, collés à la scène. Lui lui montre qu'il sait danser, mais elle pense à autre chose. Elle a les yeux absents, elle arrange son décolleté et sa jupe en cuir. La musique emporte tout. La nuit brille ou pleure, en tout cas, elle avance. Être au Bar León devient presque un rituel pour habiter le bout de cette nuit. Chaque année, par ailleurs, le 15 septembre, à 11h du soir, sur toutes les places du Mexique, on célèbre une même fête. C'est la fête du cri. La foule vient et crie pendant une heure. C'est juste ça, la fête. Crier pendant une heure et repartir à nouveau vers le silence. Quand c'est la fête au Mexique, c'est toujours une fête traversée d'éclairs et de délires. C'est une fête, dit Octavio Paz, qui est l'envers de ce silence et de cette apathie, de cette réserve et de cette dureté qui appartiennent intimement au peuple mexicain. Nuit magnétique, Mexique, dernier soleil. Ce soir, c'est la troisième scène. On retourne vers Mexico. On retrouve la ville labyrinthe, la ville en trompe-l'œil, avec ses immeubles qui s'enfoncent et se déhanchent, avec ses embouteillages et ses taxis cyclopousses, sa colère et sa nonchalance, sa misère et sa modernité. Une ville qu'il faut en fait lentement venir déchiffrer, opaque, brouillonne, dangereuse et sacrée à la fois. Avec surtout la présence de cet autre temps qui est là, en permanence, sous la ville et qui ne laisse jamais en paix. Là, c'est le Bar Opéra. Rendez-vous de nouveau avec Georges Lavaudant. Non, bah là, c'est le Bar de la Opéra. Alors, on est à trois banquettes du coup de feu de Pancho Villa. Hein. Donc, lorsqu'il est arrivé, il rentrait avec son cheval dans le bar, il a tiré dans le plafond. C'est conservé, il y a un petit trou là-bas, une petite rondelle. C'est un café mythique. Hein. Oui. Là, c'est le soir. Je trouve que c'est doux parce qu'il y a que les gens qui jouent de la musique en direct, le petit trio. Mais ce qui est beau aussi, c'est par exemple de venir vers 3h de l'après-midi. Et comme il est tout en dorure, on a vraiment l'impression qu'il est en train de flamboyer, de brûler avec tous les miroirs. J'aime beaucoup, c'est un lieu en même temps. C'est rare de trouver des lieux un peu calmes, un peu reposants en Mexico, et je trouve que cet endroit est assez apaisant comme ça. Il y a des bruits de conversation, c'est tout, c'est un peu feutré, un peu discret. Je m'y sens bien. me sens bien. Et c'est le bar de l'opéra, puisqu'effectivement, on n'est pas loin, on est à Avenida Cinque de Mayo, et on est à peu près à 300 mètres de l'opéra, de Bellas Artes, qui est un opéra qui a été construit au début du siècle, tout petit peu plus tard, je crois, par un Italien, un architecte italien, et ils ont tellement mis de marbre de Carrare, le bâtiment est tellement lourd, et tout le monde sait que Mexico est bâti sur une lagune, sur des sables mouvants en quelque sorte, que depuis sa construction, il s'est pratiquement enfoncé de 1 mètre. C'est-à-dire maintenant, pour monter les escaliers, pratiquement, on attaque tout de suite au premier étage. Et il continue de s'enfoncer d'ailleurs. Toute la ville s'enfonce, hein. Oui, oui. Et c'est très bien parce qu'on voit par exemple, il y a Célus, puis tout d'un coup, hein, il y a une ampoule juste nue comme ça. Oui, c'est très beau, ils ont refait hein. les verres là-bas, sont l'espèce de. La couleur. Oui, oui, d'amande comme ça. Et bien, hein, c'est bien, je trouve. Voilà, on est bien. On connaît une ville par ses bars, en fait. Hein. Oui, moi je trouve que c'est très important parce que les gens viennent surtout, c'est le repas de 3h, 3h30 de l'après-midi, c'est un peu à la mode espagnole, il faut le reconnaître, où souvent les gens font un seul repas, vraiment gros repas dans la journée. Et c'est plutôt le repas du milieu de la journée. Parce que même des administrations ferment à 4h, alors on vient à 3h, 3h30 manger, on reste jusqu'à 5h, 5h30, et le soir on rentre chez soi et on mange, enfin on boit une soupe ou on mange un sandwich et puis c'est terminé. Cette espèce de repas du milieu de l'après-midi, oui, qui n'est pas du tout cette chose qu'on trouve en France, mais qu'on trouve en Espagne. Mais c'est ce qui est très, très beau de cette ville, c'est un peu ces contrastes, c'est de trouver cet endroit qui paraît pas hors du temps, parce que c'est en même temps vivant, mais quand même un peu protégé. Puis vous l'avez vu cet après-midi, on a traversé du Socalo, on a traversé pratiquement jusqu'à la Plaza Garibaldi avec tous ces marchés, les gens qui manifestaient encore pour ce crime qui a eu lieu il y a 2 ans où 17 personnes se sont fait tuer. On est vraiment dans... Puis dans ensuite l'orage de grêle hein, qui ouais. est arrivé. On est vraiment tout d'un coup dans une ville où l'accélération du temps va très très vite, hein, survient très vite. On passe pratiquement du bonheur, de l'insouciance à quelque chose qui devient presque tragique. Même un peu, on a l'impression d'être dans l'enfer hein, tout d'un coup. Hein. C'était autre chose. En 5 minutes, la grêle, tout ça, on était ailleurs. Et le Mexique a toujours cette espèce de double face comme ça. On se sent très très bien, puis hop, je ne sais pas quoi, l'inattendu va nous tomber dessus. Alors justement, c'est au moment où on s'y attend le moins, comme toujours. Quoi. Et je crois que c'est ce qui fait l'intensité de ce pays. Quoi. C'est le fait que tout d'un coup, le temps. Tout d'un coup peut basculer très très très rapidement. Quoi. Et c'est aussi ça, cette philosophie de la mort aussi, que la mort est présente hein, partout. Oui. Même là on voit Pancho Villa qui tire dans le plafond, hein, qui arrive comme ça. Mais c'est ce qu'ils disent aussi, c'est drôle parce que c'est un pays qui a autant honoré ses perdants que ses vainqueurs. Hein. Ça c'est une très belle chose parce qu'on trouve Villa, on trouve Zapata, on trouve des tas de gens qui de toute façon ont perdu. Il y a une chose par exemple très curieuse, on l'a dit maintenant, je vais demander par exemple, il n'y a strictement aucune rue, avenue, boulevard, Cortés. Hein, il n'y en a pas. Pas du tout. Hein, c'est interdit, on ne sait même pas où est enterré Cortés. Enfin, on le sait, il est dans une église, moi je l'ignore, je ne sais pas, mais si on le demandait, on saurait, mais c'est presque clandestin. Mais il n'y a pas la rue du vainqueur du Mexique. Hein, c'est un pays qui s'est refusé à glorifier ses vainqueurs, qui a toujours accordé beaucoup d'importance, plus d'importance à ceux qui ont été des gens qui ont perdu dans l'utopie. Hein, il y a Zapata, il y a Villa, il y en a plein, alors que c'était des perdants d'une certaine manière. Certaine mélancolie finalement aussi. Oui, les deux. Moi, j'aime pas vraiment la mélancolie. Je dis toujours parce que mélancolie, on a l'impression que c'est comme c'est si le temps était non. mieux avant. Alors non. que moi, j'ai l'impression que le temps est bien maintenant, quoi. Oui. Hein, il y a les voitures, il y a la pollution, il y a cette orchestre qui joue. C'est au contraire comme si ce sont des villes, je crois, comme Rome, comme dans le fond, peut-être Tokyo, peut-être, je sais pas où. D'autres endroits du monde, peut-être en Inde, à New Delhi, où on a l'impression que des tas de temps se superposent au même instant. C'est-à-dire, on a le Moyen-Âge qui est encore ça. Là, ou la Renaissance, ou le 19e siècle, opéra, puis en même temps, c'est aujourd'hui aussi. Et là, Mexico, on a l'impression que c'est ça, quoi, qu'il y a un espèce de feuilletage comme ça de tous les temps du monde. On a traversé, on était dans le 21e siècle tout à l'heure, hein, il y a les bâtiments ultramodernes, les sculptures contemporaines, puis là, on est un petit coin désuet pendant 10 minutes. Je sais pas, tout à l'heure, on va aller près de la Plaza de Toro, on va encore voir autre chose. Et je trouve les belles villes du monde, c'est ça. C'est celles qui, dans le fond, arrivent à mélanger à presque leur ça. Histoire. Quoi. Mmh. Et qu'il y ait presque une simultanéité de toutes les histoires. Et ce qui est très beau à Rome, où c'est tout d'un coup qu'on a l'impression que les monuments ne sont pas simplement des monuments aseptisés. Il y a les chats dans le Colisée, c'est vivant. C'est ultra sévère et on en parlait aussi. C'est-à-dire, c'est quand le passé est toujours rendu comme du présent et pas simplement momifié, aseptisé, embaumé, son et lumière. Mais il est là, dans le fond, oui, comme présent. C'est ce que montrait, désordre, je veux dire, ce qui était beau dans Fellini. Hein. Mm. Je veux dire, comme chaque fois, Fellini-Rome, hein, on traverse, mais tout est présent. Même les choses les plus anciennes, les plus rêvées. Et je trouve que Mexico a cette qualité-là, même dans, on pourrait dire, dans l'enfer. Mm. Dans le fait que c'est la plus grande ville du monde, du fait que oui, on était dans les embouteillages, on commençait à s'inquiéter, ça sentait hein, la pollution, on est oppressé, mais on se dit, on est vraiment dans un endroit du monde qui est vivant, non hein? Oui, on est presque comme un... Vraiment être, oui, hein? Exister. On a l'impression qu'il y a une espèce d'électricité autour de nous, de toutes les âmes qui sont là, de 22 millions d'habitants qui sont là, chacune avec leur énergie. Et moi, chaque fois, Mexico, c'est cette espèce de tremblement que j'éprouve, comme si on était entouré d'une espèce d'électricité statique, en quelque sorte. Et ça peut être oppressant, je nie pas, et c'est pas particulièrement beau, hein, on peut pas dire, il y a pas, on était à Coyoacán ce matin, c'est protégé, là, tout d'un coup, mais c'est, tout à l'heure, on a traversé des tas d'endroits où il y a rien de typique, hein, c'est vrai. Prenant. Mais on sent qu'on est dans quelque chose. Enfin, en tout cas, moi personnellement, c'est ça que j'aime de Mexico. Les gens sont debout dans la rue San Luis Potosí et les chiens du quartier, aussi, restent figés sous les arbres qui fouettent l'air en cadence. Seul le paysage a bougé. Des silhouettes immobiles sont plantées sous la pluie, des éclats de ciment, des morceaux de verre partout. Tous semblent attentifs à la catastrophe. Temblor ou terremoto? Comment dit-on? Frisson ou désastre? La terre a tremblé à Mexico le 19 septembre 1985 et René Solis, comme Joanny Okungen, était là lui aussi. Le dernier immeuble où j'ai habité à Mexico avant de rentrer en France, c'était un grand immeuble en plein centre de Mexico, presque en face de la tour latino-américaine. Et c'était un immeuble, j'ai habité 6 mois, j'habitais tout en haut, un petit appartement sur les toits. Et c'est un immeuble extrêmement vivant, comme il peut y en avoir à Mexico. Il se passait plein de choses. Il y avait des échoppes, des petits marchands en bas. Il y avait un immense café qui s'appelait la Super Leche, le Super Lait, qui était en bas, tout le rez-de-chaussée. Et c'était un café qui était ouvert tard et qui avait des tas de rites, de traditions. On allait beaucoup. C'était un des rendez-vous de la vie nocturne de Mexico, d'une certaine façon. Nocturne et pas noctambule, parce que c'était un endroit tout à fait familial. Et c'était de ces grands cafés, comme il y en a encore quelques-uns à Mexico, mais pas tant que ça, à l'ancienne, avec une armée de serveurs et avec le bruit de la petite cuillère tapée contre le verre, qui signifie qu'on appelle le serveur du... qui avait le pot à lait, et puis il y avait celui qui venait servir le café. Enfin, ça a été la tradition. Et cet immeuble était une espèce de labyrinthe. Il y avait des dizaines, voire des centaines d'appartements sur 5 niveaux, et il y avait énormément de... Il était habité par une population très cosmopolite, comme Mexico a été traditionnellement une ville d'exil pour beaucoup de monde, donc on trouvait des Espagnols, des Juifs russes, des Libanais, enfin il y avait ça, tout un monde, et puis il y avait les plus pauvres qui vivaient tout en haut, dans les chambres de bonne, sur le toit, la sauterre, et moi j'étais au niveau des chambres de bonne qui avaient été... plusieurs chambres de bonne qui avaient été reliées entre elles. Et cet immeuble, donc, il a totalement disparu le jour du tremblement de terre. Et il n'en est plus rien resté. Et au matin du tremblement de terre, j'avais une petite radio, j'essayais de suivre un peu, et j'ai tout d'un coup entendu, comme ça, vaguement, l'immeuble de la Superleche s'est effondré. Et je suis donc parti en quête de l'immeuble et à pied, atteindre le centre-ville. Alors il y avait partout des équipes de secours qui commençaient à se mettre en place, des barrages de police, quelques immeubles effondrés de ci, de là, une impression tout à fait étonnante de la ville. Et je suis effectivement arrivé, il devait être, le tremblement de terre a eu lieu à 7h30, il devait être peut-être 10h30 du matin, 11h, et je suis arrivé devant l'emplacement de l'immeuble. Effectivement, il n'existait plus. C'est-à-dire que il était à la hauteur du trottoir. Et ce qui était un immense pâté de maisons de 5 étages était une espèce de tas de gravats. Donc, il s'était plié et enfui dans le sol. J'ai eu le projet avec un ami qui était cinéaste, et on l'a fait, de tourner un film sur cette histoire-là. Et donc, 6 mois plus tard, je suis reparti, même 5 mois plus tard, au mois de janvier 86, et on s'est retrouvé à l'emplacement de l'immeuble. Et donc, il avait été transformé très vite en jardin public, c'est-à-dire les bulldozers, 10 jours après le tremblement de terre, sont arrivés, ont tout aplani. Il y a beaucoup de gens qui ont... jamais sorti de dessous, d'ailleurs. Et puis, ils ont amené de la pelouse, des bancs, des arbustes. Et 5 mois plus tard, ce lieu était sur San Juan de Letran, la grande avenue du centre de Mexico. Pour des gens pas au courant, c'était un jardin public, finalement, comme un autre. Enfin, pour ceux qui connaissaient, c'était un vide dans l'alignement normal des immeubles. Et donc, il y avait des enfants qui jouaient, des gens assis sur les bancs, des amoureux, etc. En arrivant à Teotihuacan, j'ai tout de suite repensé au poème d'Octavio Paz, à son hymne parmi les ruines, quand il dit que la nuit tombe sur Teotihuacan et qu'au sommet de la pyramide, il y a des jeunes gens qui fument de la marijuana, des guitares qui chantent. Quelle herbe, quelle eau de vie peut nous donner à vivre? Où déterrer la parole? Où est la proportion qui régit l'hymne et le discours, la danse, la ville et la balance? Le chant mexicain éclate en jurons. C'est une pierre qui nous ferme la porte du toucher, et la terre a toujours saveur de terre vieillie. C'est fou, lorsque Cortés, tu vois, est arrivé, ils sont passés là, pas loin, ils n'ont rien vu, c'était tout recouvert. Rien. Si tu étais complètement perdu, c'était tout comme tu vois. Tu vois, ça c'est encore des pyramides qui ne sont pas du tout enlevées, qui ne sont pas fouillées encore. Ils n'ont rien vu, ils sont passés là, je ne sais pas quoi, à pleine, ils ont absolument rien vu. L'espace là-bas, je disais, tu vois, c'était comme ça quand Cortés est passé. Ils n'ont rien vu, c'était ces collines là qui ne sont pas fouillées. Ouais, ça c'est des pyramides encore. Ils ne sont pas du tout fouillées. Ils pensaient qu'il n'y avait rien. Non, ils sont passés, il y avait des bois, ils sont passés, la troupe. Enfin on prétend, hein, je ne sais pas, ils sont passés, je ne sais pas, ou à 5 km ou à 10 km d'ici, peut-être pas dans le site même, mais c'était entièrement recouvert d'herbes, de végétation. C'est un site qui a finalement été mis à jour, remis à jour très très très récemment. Mais il est vraiment impressionnant, hein. C'est... C'est très bien, malgré tout, d'aller un tout petit peu au moins sur la première plateforme de la pyramide de la Lune, parce qu'on est dans l'axe complet, alors c'est presque plus impressionnant encore. C'est la Lune et le Soleil. Oui, la Lune et le Soleil. Et là, les gens viennent, mais vraiment les Mexicains, pas obligatoirement les touristes, mais pendant les solstices, le jour de du passage à l'été, le 21 mars ou des choses comme ça, les gens viennent au solstice ici ou lorsqu'il y a des éclipses de lune ou de soleil, ils viennent se réunir ici, jouent de la musique. C'est encore très très ancré dans l'imaginaire populaire. Et comme toujours, enfin, au Mexique, je trouve qu'ils ont aussi bien le petit musée que ce qu'on voit là, c'est restauré avec plutôt... Enfin, il y a des équipes internationales, hein, cela étant, c'est pas que les Mexicains, mais justement, peut-être que leur savoir-faire, c'est ça, c'est de savoir s'entourer d'équipes qui dénaturent pas rien, quoi, on peut dire que ça... Et on peut être, curieusement, moi j'y suis venu dans plusieurs saisons, là aussi, enfin toujours avec cette chose de l'herbe qui bouge, hein, cette espèce d'herbe rase qui peut être très, très jaune, très pelée à la fin de la saison sèche, là on y est. Je suis venu presque en hiver, c'est tout vert, alors c'est presque un gazon anglais, il y a moins de monde. Je suis venu, c'est brumeux, on était venu avec toute la troupe ici. On était venu jouer Veracruz et... On a été à Oaxaca, on a été au bord de la mer, mais on avait fait la visite du site. Et je me souviens que le jour de la visite du site, il pleuvait, le jour où on est venu visiter le site. Alors ça change complètement. C'était plus lourd, plus sourd, c'est comme ça. Puis les oiseaux chantent différemment. C'est cette espèce de chant dans la pluie mouillée, dans les arbres mouillés, à quelque chose où on entend différemment les bruits. Il y avait moins de monde, alors je sais pas, quelque chose. Il y a toujours, bien évidemment, ces petites flûtes dans lesquelles on souffle, qui est le j'allais presque dire la signature sonore du lieu de Teotihuacan, mais il y a toujours cette possibilité, même avec du monde, si on veut, on va s'éloigner là juste de 5-10 mètres et on va presque se retrouver un peu plus vers nous. Ça nous permet de voir cette partie du site des fois qui est pas toujours visitée parce qu'il est très vaste, hein. Il fait pratiquement 3 km, hein, de l'entrée du site à la pyramide de la Lune, c'est 3 km. Et donc là, on a... C'est presque un site autant sur... Moi, je ne suis pas du tout, hein, donc je connais très mal toutes ces histoires d'archéologie, mais je veux dire, autant Monte Albán est presque à une proportion pour moi. Je l'avais dit, c'est quelque chose de mental, mais malgré tout, il est dans une... Oui, c'est presque zen, Monte Albán. Oui, c'est idiot de dire ça, mais il y a quelque chose comme ça. Clac, il n'y a rien de trop, c'est pur, il n'y a pas d'anecdote. Je ne veux pas dire que là, il y en a, mais là, ça fait presque peur. Quoi. On se dit que c'est les gens, cette ville, hein, on prétend qu'il y avait pratiquement 200 000 habitants lors de la plénitude de Teotihuacan, mais il y a presque un côté, je ne veux pas dire Nuremberg, hein, dans cette grande allée, ça serait peut-être... Mais très organisé. Faire... Oui, hein, on sent quand même quelque chose qui était là pour impressionner. Quoi. Hein, et d'ailleurs, lorsque les Aztèques arrivent, et découvrent cette chose-là, pour eux, c'est pas des hommes qui ont pu construire cette chose-là. Ça ne peut être que des dieux, hein, parce que c'est pas les Aztèques qui ont fait ça. C'est une civilisation très, très, très peu connue. Il y a toujours, comme toujours pareil sur ces sites, il y a plein d'hypothèses, mais les Aztèques arrivent, découvrent ça et se disent non, ça, c'est pas possible. Ils ont peur, presque. Oui, en tout cas, la seule manière pour eux de dire que c'était possible d'être là, c'était de dire que ça avait été construit par des dieux et pas par des hommes. Et il y a comme ça un aspect qui fait presque peur. Hein. Je veux dire, on voit ça quand on imagine tous les artisans, les prêtres, l'encens qui brûle, etc. Alors, pareil, souvent pour ces problèmes de civilisation. Bon, là, on n'a pas la confirmation qu'il y ait eu, j'allais dire, des sacrifices humains en masse, comme ça a été le cas sur d'autres lieux. Il y avait probablement des sacrifices humains, des rituels, mais ils n'étaient pas en masse, c'est-à-dire comme on a retrouvé dans Mexico même, hein, au Templo Mayor, où là, réellement, on a retrouvé des crânes trépanés, etc. Où on est à peu près assuré que pour faire que le monde continue de tourner, parce que c'est ça, c'est en même temps complètement cruel aujourd'hui, on est absolument horrifié, effrayé par ces choses-là, mais comment dire, il y avait une raison, et cette raison est presque belle, quoi, c'est-à-dire donner donner du sang à boire au dieu. Hein, c'est une chose terrifiante. Mais là, apparemment, enfin, peu que je sache de la documentation, on n'a pas de preuves formelles comme quoi il y a eu d'immenses sacrifices. Mais il y avait des cycles de temps oui, long. Oui, ça c'est la chose magnifique. Donc je crois que les prêtres, les devins avaient donc calculé. Hein, mais ça dans tout, je crois, le monde maya, le monde aztèque, pas simplement ici, ils avaient calculé les cycles des jours, des années, le moment où la Terre revient à son point de départ, etc. Mais le calcul n'était pas tout à fait juste. Et ça créait donc des décalages. C'était des cycles de 52 ans. Mais tous les 52 ans, justement, il manquait 4 jours, quoi, hein, pour se recaler sur le bon calendrier. Donc ça permettait un cycle. Et à l'issue de ces 52 années, là, on rentrait dans 4 jours pratiquement d'immobilisme, oui, d'interrogation totale. On pensait chaque fois que peut-être le monde allait disparaître. Hein, le monde allait disparaître. Donc il y avait 4 jours avec, j'imagine, des rituels très précis, des offrandes, des sacrifices. Et on éteignait tous les feux. Hein, et le prêtre, à l'issue de ce 4e jour, refaisait partir le monde, hein, puisque ça s'était à peu près bien passé. Alors, après, on était plus ou moins tranquille pour 52 ans. Voilà. Non, il y a quelque chose qui trouble, qui fait rêver, en même temps par la précision des choses. Hein. Quand on va à El Tajín, qui est sur la côte caraïbe, enfin, qui est un autre lieu archéologique avec des pyramides, il y a la célèbre pyramide où on voit déjà 365 niches, c'est-à-dire on avait déjà une niche, enfin une offrande par jour, j'allais presque dire, et on voit déjà un calcul très précis de l'année terrestre. Et vraiment, c'était pour eux une obsession permanente. Hein, le mouvement temps, des planètes. Oui, tout était quand même lié à ça. Les prédictions, les horoscopes, tout. Si faire quelque chose ou ne pas le faire en fonction des positions des astres. C'était une obsession permanente. Et tous les lieux sont fabriqués par rapport à cette obsession. Au soleil, on offrait le sang des perdrix, on offrait de l'encens et des cœurs humains. Et pendant les éclipses, on sacrifiait des albinos. C'est encore au soleil qu'on adressait en sacrifice la fumée des bûchers sacrés, le sang frais ou le cœur qu'on arrachait aux victimes. Oui, c'est presque un système philosophique aussi, toute cette recherche hein, du temps, de l'organisation, aussi des sciences hein, qui étaient intégrées. Et toute une chose qui a été interrompue. Il y avait effectivement réellement un souci de donner une explication au monde, en même temps rationnelle et irrationnelle. Et une organisation effectivement presque sans faille dans cet ordre d'imaginaire. Et il est absolument certain, enfin le Clésio le rappelle dans son livre Le rêve mexicain, mais tout le monde, tous les mexicanistes sont obsédés par cette chose-là, donc par l'arrivée, par la conquête, la conquista. Et qu'est-ce que ça interrompt réellement? C'est-à-dire, dans le fond, qu'est-ce que seraient devenues ces civilisations si elles n'avaient pas été interrompues brutalement? Enfin, la fameuse phrase d'Hegel qui dit que si ces civilisations ont disparu, c'est qu'elles étaient vouées à disparaître. Hein, vraiment, la raison occidentale, l'espèce de brutalité cynique que l'Occident a. Comment dire, fabriqué en détruisant tout, en niant absolument le travail phénoménal qui était produit là, ici, et on le voit. Mais qu'est-ce que ça serait devenu? Est-ce que ça aurait dégénéré? Est-ce que ça serait devenu un maniérisme, quelque chose qui se serait éteint de lui-même, ou au contraire vers quel, je veux dire, étage supérieur ça se serait peut-être développé encore? Et là, enfin. L'ironie ou la violence de l'histoire, bien évidemment, qui fait qu'on ne revient jamais sur ses pas, c'est un malheur pour l'humanité entière. Je veux dire, il faut quand même rappeler chaque fois que ce que l'Occident a produit dans ses conquêtes, dans sa prétendue production de civilisation, ce que le christianisme a fabriqué sur ces lieux-là est une bêtise monumentale, quoi, de pas avoir su croiser, de pas avoir su écouter, de pas avoir su regarder. Il y a une espèce d'aller-retour comme ça dans le vrai présent des Indiens d'aujourd'hui, qui continuent d'être des personnes qui peuvent nous apprendre des choses. Et puis là, on le voit dans les actes, enfin, dans l'architecture, dans les lieux, dans les espaces, la manière, l'équilibre et en même temps la peur que ça peut produire. Et de se dire que tout ça a été, s'est effondré en 4 jours, j'allais dire, enfin j'exagère, en 2 ans, en 4 jours, en 10 ans, et avec, redit, avec une brutalité. Sans pareil. C'est la harpe magique, ça. Ah oui, il y a beaucoup 30 de morceaux. 30 partitions. Un bon prix, hein. Je ne sais pas combien. Combien c'est? 300 francs français. Ah oui. Puis la cucaracha. Non, mais j'ai pris. Moi, je ne sais pas. Non. C'est facile. Sur les poings. C'est bien, hein? Non, c'est trop facile. Grand, c'est pour ça. Non, c'est trop grand. Non, c'est rien, je sais pas. Non, non. Quand il sera 6 heures, il y a cette grande pendule tout en haut de la cathédrale qui va sonner très très joliment et ça fait un drôle d'effet. Généralement, les pigeons s'envolent en même temps. Je pense que c'est le moment aussi où ils vont baisser les trucs, mais au moment où l'horloge sonne, c'est assez impressionnant aussi. Ça. Qu'est-ce qui se passe alors à Mexico, Joanie? Eh bien, regardons la place, puisqu'on est sur le Zocalo. Le Zocalo est l'endroit idéal pour savoir ce qui se passe, puisque aujourd'hui, il n'y a même pas une grande manifestation, comme il y en a tous les 3 ou 4 jours, ou tous les 3 ou 4 semaines. Il n'y a pas de planton, comme ils disent, c'est-à-dire de gens assis en train de faire la grève de la faim contre une injustice ou une autre. On a presque l'impression que c'est calme. Un peu de vent, des pigeons, et presque personne sur la place. C'est bon signe. J'ai lu dans le journal qu'il y avait eu un affrontement entre policiers, je n'ai pas très bien compris ce qui s'était passé, mais... Comprendre ce qui se passe dans la tête de policiers qui s'entretuent, c'est assez difficile. Si j'ai bien compris, dans un des commissariats de la ville ou aux portes d'un des commissariats, brusquement, deux corporations qui s'appellent les uns les Granaderos et les autres les Judiciales, dont les rancunes sont nourries par une série de vendettas entre commandants et peut-être d'autres raisons que personne n'arrivera jamais à élucider, ils sont entre-tirés dessus, 5 morts. Et puis, en plus, il a même fallu qu'un hélicoptère de la police arrive et mitraille un peu le coin pour les faire tenir tranquilles, parce que sinon, ils auraient continué à s'entretuer. Et ça arrive avec régularité, c'est-à-dire que les corporations policières ici, mues par des intérêts dont on n'arrive jamais à savoir le fin mot, se battent, se tirent dessus. Il y en a qui jouent à la roulette russe. On avait, il y a 3 ans, il me semble qu'il y avait eu un certain nombre de types qui s'étaient tués comme ça en jouant à la roulette russe. D'autres fois, ils se sont tirés dessus à cause de problèmes de parking, de corporation à corporation. Et régulièrement, il y a ces espèces de tueries. Les policiers, curieusement, ont beaucoup de rapports avec les bandits. Je veux dire que non seulement ils les arrêtent et ils les pourchassent, mais encore, on passe d'une profession à l'autre très très facilement. La police étant la seule école pour apprendre à servir d'armes, avoir à sa disposition des armes, éventuellement les voler. Ça, c'est arrivé pour certains détachements spéciaux dont les dirigeants brusquement disparaissaient avec les armes et se convertissaient en ennemi public numéro 1. Donc, pas non plus là un étonnement extraordinaire du fait qu'hier, il y a eu 5 policiers tués dans une bagarre entre policiers. La journée est calme. Me desvelo y vivo apasionado. en mi vida dejó para siempre amargo dolor. Pobre de mí, esta vida mejor que se acabe no es para ti. Ce qui est beau en fait ici, c'est qu'on n'oublie jamais le passé, que le présent est, est toujours un mélange hein, de passé. Donc la révolution brusquement, est présente. Zapata est redevenu beaucoup plus présent avec les événements de 94 au Chiapas et leur prolongement à l'heure actuelle. Brusquement, si on le voit sur tous les trottoirs parmi Marilyn Monroe et le Christ et Cervantes, c'est parce que il y a eu une renaissance et une diffusion des photos de Zapata, de la manière dont il a pris la ville et il s'y est à peine installé en 1914 et 15. Il faut se rappeler que cette révolution, elle a pas fonctionner toute seule. Au début, c'était merveilleux. Ça a été la victoire dès les premiers mois. Jusqu'à 1910, il y a cet homme qu'on appelle un dictateur, Porfirio Diaz, qui a régné 30 ans. Puis en 1910, brusquement, Madero prend le pouvoir après une courte lutte électorale, un trucage, et puis aussitôt après, le dictateur est obligé de partir, il part en exil pour la France. Et le pouvoir révolutionnaire est installé. C'est fantastique, ça y est, ça s'est fait, sans une goutte de sang, pratiquement. On a l'impression que la révolution est déjà terminée avant d'avoir commencé. Mais Madero, c'est un terrateniente, un propriétaire qui est relativement modéré. Il a des alliés comme Villa, Zapata, Flores Magón, d'une certaine façon, mais qui sont tous plus radicaux que lui. Et comme il n'a pas la prudence de changer les cadres de l'armée, il est brusquement, 3 ans plus tard, en 1913, au cours d'une semaine qu'on a appelée la semaine tragique et où cette ville a retenti des balles des contre-révolutionnaires, brusquement il est renversé par son propre général, le général Huerta, qui prend le pouvoir à sa place et qui est un tyran sanguinaire que l'histoire mexicaine décrit comme un coyote. Et c'est seulement encore 2 ans plus tard, en fin 1914, début 1915, que là, de cette contre-révolution, les forces de Villa et de Zapata progressent vers la ville et la prennent. La province envahit la ville, les paysans en costume de toile blanche et machete aux côtés et avec la vieille carabine Winchester 30-30 prennent la ville. D'une manière pacifique, la population se trouve de leur côté très rapidement. Le tyran usurpateur prend une nouvelle fois l'exil, c'est-à-dire une nouvelle fois on a affaire à un tyran en exil. Les Zapata et Villa, comme on le voit sur la photo, s'assoient sur le siège présidentiel qui se trouve dans le palais. Et le fait est que cette époque est restée extrêmement gravée, cette époque de jonction entre la campagne et la ville. Peu après, Zapata et Villa, qui ne s'intéressaient pas au pouvoir, surtout Zapata, repartent de la ville. Zapata n'y reste qu'un mois, Villa je crois 3 mois, et peu à peu se rétablit un régime plus modéré, celui de Carranza, dont la première tâche est évidemment de liquider ses propres alliés, c'est-à-dire de liquider Villa et Zapata. Zapata, après une campagne terrible, c'est l'époque aussi de la grippe espagnole en 1918, donc voit ses forces décimées, puis est lui-même abattu au cours d'une trahison extrêmement machiavélique. Un général fait semblant d'être de son côté en envoyant massacrer ses propres soldats, puis l'invite à joindre leurs forces et enfin le liquide à coups de multitude de balles, perce le corps de Zapata, comme on le voit dans le film avec Marlon Brando. Et Villa est tué en 1923, et à partir de ce moment-là, le régime s'institutionnalise. Mais c'est donc, ça reste ce côté Zapata, plus que Villa, je dirais, ce côté vivant, vif de la révolution. Il fait partie, comme les autres, comme ses propres fusilleurs, Il fait partie du panthéon institutionnel. Il est l'extrême gauche de l'idéologie gouvernante. Et du coup, il est un symbole que les révoltés du Chiapas renvoient. Les révoltés du Chiapas et tous les gens qui s'y réfèrent ici, à Zapata, le renvoient au gouvernement. C'est un de ses héros. On ne peut pas dire Abba Zapata. Et en même temps, il est la représentation de ce qu'il y a de plus extrême, de ce qu'il y a de plus populaire dans la révolution mexicaine, son autre extrême. Là, au milieu de ce souk, comme tu peux voir quand on arrive au bord de cette petite rambarde qu'ils ont construite maintenant, ben voilà le temple majeur. Et ce temple majeur qui devait retentir presque des mêmes cris à l'époque, c'était pas des piles pour les montres électroniques, mais c'était également, comme on en voit maintenant, des danseurs, des gens qui soufflent dans des coquillages pour retrouver les sons anciens, des gens qui vendent des amulettes, des potions, il y a des gens qui ont des serpents. Cette espèce de côté bonimenteur médiéval face à ces ruines, on a l'impression qu'il y a là un rendez-vous d'histoire et que les gens sont revenus auprès de l'ancienne Tenochtitlan. Alors ce qui est étonnant quand tu la regardes, cette pyramide tronquée, parce que c'est une pyramide qui a été coupée par les Espagnols quand ils sont arrivés, c'est qu'elle est quand même au-dessus du niveau du reste de la place. Elle est en train de pousser le reste des bâtiments. On voit d'ailleurs que, si tu vois ce bâtiment-ci, il est légèrement de travers. Cette maison très ancienne, elle est maintenant en trompe-l'œil parce qu'elle a été recouverte par des bâches. Elle a été soulevée littéralement par la pyramide. Alors pour expliquer un petit peu l'histoire, les Espagnols arrivent. Quand ils arrivent, ce monument, il paraît qu'il avait 60 mètres de haut. C'est-à-dire qu'il arrivait à la même hauteur que la tour la plus haute de la cathédrale que tu vois là. Un truc énorme. Et en même temps, c'est un monument qui s'est construit peu à peu en rajoutant des couches les unes aux autres. Comme les poupées russes, les anthropologues découvrent aujourd'hui les strates anciennes. Donc il y a eu un premier temple majeur, et puis un deuxième par-dessus, et au fur et à mesure, la pyramide a grandi jusqu'à 60 mètres. Les Espagnols arrivent pratiquement 10 ans, 15 ans après son inauguration, et de sa dernière phase, sa phase la plus haute, et ils rasent. Donc raser une pyramide, ça veut dire retirer ce qu'il y a en haut, les tronquer, et il reste la base. Il nous reste toutes sortes de bases emboîtées les unes dans les autres, qui donnent cet énorme champ de pierre, avec en même temps, on le sent, les degrés, et puis d'autres degrés qui étaient antérieurs. Le fait de raser une pyramide pour en même temps combler le lac de ses pierres et en même temps augmenter l'île centrale, qui est l'île unique au début, le fait d'utiliser les pierres aussi pour construire la cathédrale ou d'autres palais, on peut retrouver, d'ailleurs, on a retrouvé dans les soubassements de la cathédrale des pierres de l'ancienne pyramide, et on peut en voir aussi dans certains immeubles très anciens ici. Toutes ces conditions bizarres qui ont trait à la géométrie de la pyramide, la manière de construire des Aztèques et en même temps la manière carrée de faire aujourd'hui des bâtiments, a fait que la majorité du temple majeur est restée sous la terre, est restée sous le niveau de la terre. Et puis, comme on le voit sur une vieille photo du Zócalo, ils écoutent leur propre histoire en français. Comme on peut le voir sur les vieilles photos du Zócalo, ici c'était des immeubles, c'est-à-dire c'était des vieilles maisons du 18e, 19e siècle. Les gens savaient que dans les caves des immeubles, mais ils savaient pas où. On voyait des têtes de dragons en cherchant bien au fond. Ou on a su aussi, c'est une preuve que cette pyramide n'était pas ignorée, qu'il y avait certainement de la pierre par ici, puisque la tranchée que tu vois là, qui est étayée avec des petites briquettes, c'est un égout qui a été construit vers 1900. Donc on a traversé la pyramide, on l'a coupée en son milieu, en l'ignorant. Personne ne voulait savoir de ces histoires-là en 1900. En 1982, dans cette Russie qui s'appelle Calle Argentina, il y a un électricien qui doit faire des travaux et qui creuse un trou. Et à 2 mètres de profondeur, clonk, voilà Tipak, sa pioche tape sur cette énorme pierre que tu vois là. Cette représentation d'une déesse écartelée, la Coyol Chaupi, cette femme avec les bras arrachés, les pieds arrachés et ces symboles de serpents autour. Cette énorme pierre, cet énorme monolithe de 3 mètres à peu près de diamètre, immédiatement été sorti et on a commencé à accorder plus d'importance à la pyramide du temple majeur. On a réalisé qu'elle était bien là. On l'a su d'autant mieux que c'était l'époque où on voulait absolument faire passer le métro par ici. Or, le métro, butant sur les pyramides, et on le voit très bien sur le plan du métro actuel, a été obligé de se détourner. Les anthropologues ont protesté contre l'idée qu'on puisse faire passer une ligne de métro en plein milieu de ce trésor archéologique. Et peu à peu ont été détruits les immeubles qui se trouvaient au-dessus. Et on a retrouvé cette base très très importante jusqu'où avaient rasé les Espagnols. Comme dans toute pyramide, si on tire la pointe, il reste la majorité du volume. Donc ça nous fait une énorme quantité de choses entassées les unes sur les autres à cause de cette histoire de phases successives de construction. Et qui fait que maintenant c'est un immense champ qu'a pris pratiquement un pâté de maison très grand entier. Et cette pyramide, à partir du moment où on a décidé de la dégager en 1982, délivrée du poids de la terre qui se trouvait sur elle, a commencé à remonter. La boue environnante étant tassée par les immeubles, il y a eu un effet un petit peu comme d'une éponge, selon ce que décrivent les anthropologues, et ça a contribué à provoquer ce phénomène très bizarre que la pyramide, qu'on n'apercevait pas il y a seulement 15 ans, brusquement, elle est plus haute que le niveau de la rue. Et on peut dire que c'est une forme d'éruption. Selon les cas, on peut lui trouver une ressemblance avec un volcan, ou peut-être avec un bouton, avec un abcès, puisqu'il y a cette espèce de spongiosité qui la fait ressortir, comme si on pressait un bouton. Alors on se retrouve face à cet énorme terrain qu'on ne peut plus du tout utiliser. Et visiblement, si on creusait un petit peu plus loin, on en trouverait davantage. La maison qui se trouve au coin, cette très ancienne demeure, a été soulevée par le mouvement vers le haut de la pyramide. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a remplacé sa façade par ces bâches en plastique derrière lesquelles, je ne sais pas, ils vont la refaire ou bien alors peut-être ils vont faire un centre commercial, selon les cas. C'est comme si c'était un livre ouvert, hein, comme si c'était... C'est devenu un point de vue. Oui. Les gens se rassemblent ici pas seulement pour gagner de l'argent en vendre des piles et des lotions, mais aussi parce que c'est vraiment l'endroit, le rendez-vous de cette vieille ville, de cette ancienne ville, le lieu de culte. D'ailleurs, régulièrement, à des dates comme la naissance de Cuauhtémoc, le dernier empereur, ou bien d'autres dates historiques, viennent ici des danseurs en pagne qui appartiennent à des écoles néo-aztèques, on pourrait dire. Ce sont des écoles de danse et qui viennent exercer ici leur art, qui dansent au son des grelots, au son de ces gros coquillages dans lesquels on souffle et qui produisent ce son de sirène. Et d'autres gens qui viennent tenir des discours reconstructifs de l'histoire, un peu vengeurs, un peu affirmant le fait que nous n'avions pas besoin des Européens, que les Aztèques étaient beaucoup plus avancés, que nous connaissions déjà la rotondité de la Terre, alors que les antécesseurs à Christophe Colomb se demandaient si la Terre était ronde ou pas. Donc toute cette espèce d'orgueil national s'est cristallisée autour de ces vieilles pierres. Se va. alguna vez te he dejado de adorar. Al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor. Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? Tú... ¿Es que c'est vrai, Joanny, qu'il y a trois tabous au Mexique qui sont la Vierge de Guadalupe, le président et l'armée? Trois choses dont il ne faut pas... Enfin, qu'il ne faut pas trop critiquer ou même pas critiquer du tout. S'il ne faut pas parler de quelque chose, ça va être difficile de répondre. Mais la Vierge de Guadalupe, c'est sûr, elle est vierge et personne ne peut y toucher. Un abbé récemment, qui est l'abbé de la basilique de la Guadalupe, a commencé à mettre en doute le miracle de l'apparition de la Vierge de Guadalupe. Il a eu les pires ennuis avec, en tout cas, l'opinion telle qu'elle se diffuse dans la presse. En ce qui concerne le catholicisme d'ici, il est très, très porté sur ce culte à la Vierge. Et aussi bien on peut dire du mal du pape ou des évêques ou des archevêques ou des cardinaux, aussi bien la Vierge, elle est intouchable. Elle est plus mexicaine que catholique d'une certaine façon, et elle appartient plus à la tradition d'ici que simplement à la religion qui vient de Rome. En ce qui concerne l'armée et le président, c'est aussi deux sujets extrêmement tabous pour d'autres raisons. C'est une tradition plus moderne, c'est cette tradition du parti au pouvoir depuis le début, depuis 1929, et qui ne cesse jamais d'être au pouvoir. Et le président est une sorte de dieu, un petit peu l'image qu'on avait utilisée pour Mitterrand. Il devient le personnage dont on ne peut pas se moquer ouvertement, ni même émettre des opinions trop négatives, même pour les journaux d'opposition. Curieuse chose, il y a deux mois, vient d'apparaître ici ce qu'on appelle en France les guignols de l'info. C'est-à-dire que finalement, le Mexique a reçu cet autre fleuron de la civilisation planétaire qui est de faire des bons hommes qui ressemblent en caoutchouc. Ici, ils les ont fait un peu moins cher, ils les ont fait en feutre. Et bon, c'est une des chaînes de télévision qui a inventé ça. Et il n'y a pas l'image du président. Alors que dans les guignols de l'info, le principal, c'est Mitterrand ou Chirac. C'est un intouchable, en fait. Là, on ne voit absolument pas le président. D'ailleurs, c'est vraiment le résultat de cette tradition. Et là, le grand problème du Mexique par rapport à son propre président, c'est que le dernier président, Carlos Salinas de Gortari, qui à son époque a été vanté comme un homme extrêmement efficace et raisonnable, a provoqué tellement de catastrophes par sa gestion que tout le monde se moque de lui. Et en même temps, c'était le président il y a 4 ans. Il y a 6 mois, au cours d'une polémique très violente, 2 chaînes de télévision, Televisa, qui est une organisation télévisuelle extrêmement puissante et importante ici, et qui est presque aussi institutionnelle que le PRI, le Parti Révolutionnaire Institutionnel, a commencé à accuser son nouveau concurrent, qui s'appelle Televisión Azteca, d'avoir parti lié avec cet ancien président, président dont tout le monde dit maintenant que c'était un escroc, un homme qui a provoqué des catastrophes et probablement lié au trafic de drogue. On sait tous par les nouvelles que son frère est en prison pour assassinat. Donc on a toutes les raisons de penser que c'est vraiment une responsabilité qui va finir par lui tomber dessus, bien que jusqu'à présent les tribunaux évitent de le citer. Oui, j'ai vu d'ailleurs dans une petite vitrine de Oaxaca, une petite statuette, le représentant, et il y avait écrit « Je ne suis pas à vendre », mais non, comment c'était? Attends. Il n'est pas à vendre, mais il nous a vendus. Oui, ça résume très bien ce genre d'opinion. Ici, à deux pas sur le Paseo de la Reforma, il y a des enfants qui montent en pyramide et qui font une imitation du président avec un masque et en plus des cornes ou une cape de vampire, etc. L'image qu'on en a, c'est qu'il a sucé le sang du pays, il a provoqué la dernière dévaluation la plus forte, etc. Eh bien, en réponse à cette vision populaire très ironique sur l'ancien président. Par contre, justement, ces guignols de l'info version mexicaine répondent, si on peut dire vraiment, à cette propagande populaire contre-offensive médiatique et ne représentent que des gens de l'opposition ou certains politiciens de second rang. Donc le président est vraiment intouchable. Et l'armée ? Quant à l'armée, la grande muette d'ici n'a pas le droit à la parole. Elle est en même temps, comme disent les journaux, chargée du trafic de drogue, c'est-à-dire, l'expression est sous-entendue, chargée de la répression du trafic de drogue, mais l'expression est ambiguë. Et elle est tellement un bloc, elle est tellement une institution qui, contre la promesse de ne jamais faire un coup d'État militaire, il n'y a pas eu de coup d'État militaire au Mexique depuis l'époque de la Révolution, qu'elle est devenue une sorte de machine à tout faire. Elle surveille les élections, elle s'occupe de la neutralité, elle vient par bataillon entier encercler le Chiapas ou s'occuper de tel ou tel aspect de la vie publique. Elle est la force de sécurité sérieuse par opposition à la police qui est divisée en corporations qui se disputent et plus ou moins aux mains de... aussi de ses propres ennemis, puisqu'il y a beaucoup d'infiltration du narcotrafic et du banditisme dans la police. Oui, il y a le chef de la police qui avait été arrêté, non ? Lequel n'a pas été arrêté, oui, ce serait tous. Plutôt la question. Moi, j'ai une collection d'articles que j'ai fait à l'occasion des arrestations des chefs de la police. Récemment, c'est un des chefs de l'armée qui a été arrêté. Ah, de l'armée. Très récemment. Avant, et de là l'ambiguïté de votre question, avant, il y a eu pas mal de chefs de la police qui ont été arrêtés. Il y a eu, entre autres, Durazo, le fameux général El Negro, oui, comme on l'appelait, dans les années 80, qui est devenu un bandit après avoir été le chef de la police, et probablement en même temps. Et puis, il y a eu d'autres, des commandos super spéciaux créés dans l'État de Mexico, qui s'appelait le Barapen dans les années 80, et le chef d'entraînement avec des armes très sophistiquées brusquement devient l'ennemi public numéro un. Et des tas d'autres policiers. Comme disent les journaux quand ils résument souvent des affaires de criminalité, suspect d'être un ancien policier. Ce qui dit absolument tout. Comme disent certains de mes amis, ici les bandits ont un uniforme. C'est peut-être un peu trop systématique. Récemment, le dernier chef des forces de sûreté qui s'est révélé brusquement être de l'autre côté de la barrière, c'est un militaire, c'est un général, et il était en plus chef de cet institut tout neuf qui s'appelait Institut de lutte contre les drogues. Et du coup, d'ailleurs, l'institut a été dissous il y a 2 semaines après que son chef ait été mis en prison. Et c'est la première fois que c'est un grand militaire qui tombe. Et ce sont les militaires eux-mêmes qui ont fait la conférence de presse, le ministre des armées, les généraux, etc., parce que leur corps doit être absolument intouchable, dans le sens de impeccable. Et même si, depuis Oscar Lewis, on sait très bien que les soldats passent leur temps à cultiver de la marijuana par-ci, par-là, et que généralement même, ils ne répriment le narcotrafic que pour s'installer à leur place, ce corps-ci est absolument inattaquable. Il reste plus vierge que la Vierge de Guadalupe, malgré tous ses péchés. C'est sur cette cérémonie de fin du jour, sur le Zocalo, sur ces images du drapeau qui se lève, avec l'aigle et le serpent, que Mexico va maintenant se replier. Merci à René Solis, à Georges Lavaudan et à Joanie Okingem. Le livre d'Octavio Paz, Le labyrinthe de la solitude, est publié chez Gallimard et Le stade aztèque de Joanie Okingem chez Payot. « C'était Retour à Mexico dans Les Nuits Magnétiques, une émission de Colette Fellouz, réalisée par Jacques Taroni avec Georges Lavaudan, Yoni Okengame et René Solis. Première diffusion sur France Culture le 28 janvier 1998. Vous pouvez réécouter cette émission en ligne et la télécharger pendant un an sur le site franceculture.fr à la page des nuits de France Culture.